إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc on commence le cours numéro 13 maintenant et on continue à partir de là où on avait laissé. On est au deuxième point dans les 10 points. Qui, les 10 points des choses qui annulent l'islam d'une personne, et on parle du fait de prendre des intermédiaires entre Allah et la création. C'est-à-dire dans l'adoration, que quelqu'un prenne un intermédiaire entre lui et Allah subhanahu wa ta'ala, et que ça c'est kufr, que c'est shirk. Donc le cheikh a expliqué maintenant deux exemples. Il a expliqué l'exemple de personnes qui nient les intermédiaires. Des gens qui nient les intermédiaires entre nous et Allah, dans le sens qu'ils nient les messagers et les anges qui sont venus transmettre les livres. Ça, c'est une catégorie d'intermédiaires qu'on est obligé d'affirmer, et que ça fait partie de la foi d'y croire. Et de nier cette forme d'intermédiaire-là, c'est une forme de kufr. Toutefois, il y a une autre forme d'intermédiaire que si tu l'affirmes, tu deviens un mushrik ou un kafir. C'est-à-dire que tu affirmes ou que tu crois qu'il y a des intermédiaires entre nous et Allah subhanahu wa ta'ala dans l'adoration. Et ça, c'est, on a expliqué que c'était shirk. Maintenant, le shirk, il rajoute quelques détails de certaines choses qui ont rapport avec ce sujet-là. Il dit, وَأَمَّا الَّذِي يَتَّخِذُ الْوَصَائِطُ وَيَعْتَخِذُ أَنَّهَا سَبَبُ لَا يَدْعُوهَا وَلَا يَسْبَحُ وَلَا يَنْظِرُ لَهَا وَيَعْتَقِدُ أَنَّ الْعِبَادَةَ لِلَّهِ ولا يعبد إلا الله ولكن يتخذ الوسائط على أنها أسباب تقربه إلى الله بزعمه ويسأل الله بجاههم وحقهم فعمله هذا بدعة ووسيلة إلى الشرك لأن الله لم يأمرنا باتخاذ الوسائط في الدعاء وطلب الشفاعة وليس هذا سبب لإجابة الدعاء بأن تتوسط أو بأن توسط بينك وبين الله صالحا من الصالحين أو نبيا من الأنبياء فهذا قول على الله بلا علم فالله أمرنا بدعائه ولم يأمرنا باتخاذ واسطة بيننا وبينه فيجب التفريق بين الحالتين حالة من يعبد الوسائط ويسبح لها وينظر ويتقرب إليها وحالة من لا يعبدها وإنما يتخذها بمثابة وسائط تبلغ حاجته لله عز وجل بجاهها وصلاحها ومكانتها عند الله فهذا باطل وهو بدعة لأنه إحداث شيء في الدين لم يأذن به الله أو لم يأذن الله به وهو وسيلة من وسائل الشرك. Le cheikh il explique maintenant un point pour détailler au sujet de cette question des intermédiaires. Il donne un autre exemple ou un autre cas. On a donné l'exemple des gens qui prennent un intermédiaire entre eux et Allah et qui se rapprochent à cet intermédiaire-là en lui offrant des actes d'adoration, soit en égorgeant ou en sacrifiant un animal pour lui, ou en l'invoquant ou en l'appelant au secours, des trucs de ce genre. Ça, on a dit que c'est shirk. et que ça fait sortir quelqu'un de l'islam, que c'est shirk akbar. Toutefois, il y en a des gens qui prennent entre eux et Allah subhanahu wa ta'ala des intermédiaires, toutefois ils ne les adorent pas, ils ne leur offrent pas des offres d'adoration, ils ne leur offrent aucune forme d'adoration, ils croient que ce sont uniquement des causes qui les aident à se rapprocher à Allah subhanahu wa ta'ala à cause de leur statut et de leur degré et de leur niveau, hein, ou du fait qu'ils soient près d'Allah. Donc ils prennent des intermédiaires entre eux et Allah subhanahu wa ta'ala et ils croient que ces intermédiaires-là peuvent les aider à se rapprocher à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ils ne demandent pas à ces hommes pieux-là ou à ces saints-là directement, ils demandent à Allah subhanahu wa ta'ala par leur statut ou par leur degré ou bien par leur personne, hein. Ils disent par exemple, oh Allah, je te demande par ton prophète, ou oh Allah, je te demande par tel homme parmi les pieux ou parmi les salihin. Donc le cheikh il dit que celui qui fait ça, c'est pas un shirk, ça ne fait pas sortir de l'islam. Toutefois, c'est une action qui est contraire à la sunna, c'est une bid'ah, et à long terme ça peut l'amener même à tomber dans le shirk, hein. Ça peut être quelque chose qui va l'amener, hein, au shirk, c'est un moyen ou quelque chose qui peut l'amener à tomber dans le shirk. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala ne nous a pas ordonné de l'invoquer par l'intermédiaire de quiconque, hein, ou de faire des du'as, ou de demander l'intermédiaire de demander l'intercession par l'intermédiaire de quiconque. Et le cheikh il dit que ça c'est pas une cause dans le fait que notre du'a sera exaucé, le fait de demander par le statut de quelqu'un qui est pieux ou par le statut d'un prophète parmi les prophètes. Ça c'est de dire des choses à propos d'Allah subhanahu wa ta'ala sans aucune connaissance. D'accord? Et donc le cheikh il dit, Allah subhanahu wa ta'ala ne nous a pas ordonné de prendre ces genres d'intermédiaires là entre nous et lui. Il nous a ordonné de l'invoquer directement. Et donc le cheikh il dit qu'il faut distinguer donc entre les deux situations. La première situation qu'on a mentionnée tout à l'heure, celui qui prend entre lui et Allah un intermédiaire et qui égorge ou sacrifie des animaux pour cet intermédiaire là, ou qui fait des vœux pour cet intermédiaire là, ou qui se rapproche par une invocation quelconque ou par une adoration quelconque vers cette intermédiaire. Ça c'est le premier cas, on a dit que c'est shirk. Il y a le deuxième cas qu'on a mentionné aussi, c'est celui qui prend un intermédiaire entre lui et Allah subhanahu wa ta'ala, mais qui ne l'adore pas. Il fait juste demander à Allah subhanahu wa ta'ala par son niveau ou par son statut ou par la place qu'il a auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, et le cheikh explique que ça c'est batil, ça c'est faux, c'est quelque chose de bid'ah de faire une chose pareille, et c'est quelque chose qui a été inventé, qui ne fait pas partie de la religion de l'islam, et Allah subhanahu wa ta'ala ne l'a jamais permis, et c'est une chose qui peut amener quelqu'un à tomber dans le shirk. Le cheikh il dit après, والمتأخرون لا يقتصرون على جعل الوسائط مجرد وسائط لا يصرفون لها شيئا أو لا يصرفون لها شيئا من العبادة، بل الغالب أنهم يعبدونها وينظرون ويسبحونها لها كما يفعلون عند الأضرحة، فيتبركون بترابها وأعتابها ويحجون إليها في أوقات معينة ويعكفون عندها ويأتون بقطعان الأنعام فيذبحونها في ساحات الأضرحة ويتقربون بها إلى الأضرحة وأصحاب الأضرحة بزعمهم، وعليكم السلام ورحمة الله، ويقربونهم يزعمهم أو بزعمهم يقربونهم إلى الله ويبلغون الله حوائجهم، هذا هو شأنهم وديدنهم من قديم منذ بنيت المساجد على القبور كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وقد وقع ما أخبر به صلى الله عليه وسلم، ووقع هؤلاء فيما وقعت فيه اليهود والنصارى من البناء على القبور كما قال صلى الله عليه وسلم، إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجدا ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. Le Cheikh explique ensuite, il dit que on a donné les deux exemples et les deux cas. Le premier cas, ceux qui adorent les intercesseurs qu'ils établissent entre eux et Allah, et le premier cas, et le deuxième cas, ceux qui mettent des intermédiaires entre eux et Allah qui ne les adorent pas et qui demandent à Allah par leur statut ou par leur degré, et on a dit que ça c'est bid'ah et que c'est quelque chose qui amène quelqu'un à tomber dans le shirk à la longue. Et toutefois, le chef il clarifie, il dit que de toute façon, ceux qui sont aujourd'hui, la plupart d'entre eux, ils ne font pas cette deuxième catégorie-là, de juste demander directement à Allah par l'intermédiaire du wali ou du prophète, ou d'un saint ou d'un homme pieux, hein, comme en disant « Oh Allah, je te demande par le statut de telle personne ». Malgré que c'est bid'ah, ils se limitent pas juste à ça. Ils prennent leur intermédiaire comme un objet d'adoration et ils lui offrent des formes d'adoration et ils sacrifient pour eux et ils égorgent pour des animaux pour eux et ils font ça là où il y a des mausolées et des tombeaux de ces hommes-là. Ils vont là-bas et ils cherchent la baraka de la tombe de ces hommes-là, comme par exemple ils vont auprès de la tombe et ils prennent de la poussière par terre à côté de la tombe et ils mettent parfois ils la mettent dans un petit pot ou quelque chose comme ça, ils l'amènent avec eux et ils vont prendre de, soi-disant, ils disent c'est de la terre bénite parce qu'elle est prise de la terre de la tombe, là où il y a cet homme qui est saint, qui est enterré. Donc ils font des choses de ce genre et ils croient qu'il y a une bénédiction dans cette terre, une baraka. Et ils se fatiguent à faire des voyages et des expéditions et des hajj, comme un hajj, hein, ils pensent que c'est un hajj d'aller visiter ces tombes. Et il y a pour la visite de ces tombes-là des moments dans l'année qui sont spécifiques et précis, qui ont été établis par les gens qui adorent ces saints-là et ces tombes. Et donc, dans chaque région dans les pays musulmans, dans chaque ville ou dans chaque village, là où il y a soi-disant un homme pieux qui a été enterré, eh ben, par exemple, dans telle période de l'année, c'est le pèlerinage ou le mausim, comme ils l'appellent, de tel wali, et dans une autre ville, de tel autre wali, ou de tel sayyid, ou même parfois c'est une femme, Et donc, ils vont là-bas et ils font des formes d'adoration pour ces tombes-là. Et pour eux, c'est considéré comme une forme de hajj. Comme lorsqu'on va à Mecca, ceux qui n'ont pas les moyens d'aller à Mecca, ben ils payent un hajj vers les tombes de ces gens-là. Et ça, il y a pas de doute que c'est contraire à l'islam et que ça n'a rien à voir avec la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le cheikh il dit que la réalité des gens, c'est ça ce qu'ils font, malheureusement. Ils vont avec des animaux et ils les égorgent sur la place. La place où ces tombes-là se trouvent, et ils se rapprochent donc de ces tombeaux-là en égorgeant des animaux pour eux. Et ils se rapprochent, ils croient que ces hommes pieux-là vont les rapprocher à Allah subhanahu wa ta'ala et vont transmettre leur demande à Allah subhanahu wa ta'ala comme des messagers. Et donc ça c'est ce qu'ils font partout et c'est ça leur habitude depuis longtemps. Depuis que, en fait, les mosquées ont été construites, des mosquées ont été construites sur les tombes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait averti les musulmans, que de construire des mosquées sur les tombes, c'est interdit. C'est haram. Et que, les juifs et les chrétiens qui faisaient ça. Et que la malédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala était tombée sur eux, parce qu'ils avaient construit des mosquées sur les tombes, des lieux d'adoration sur les tombes. Et il mentionne un hadith rapporté par l'imam muslim selon Jundub ibn Abdullah radiallahu anhu, dans lequel il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Parmi ceux qui étaient là avant vous, les juifs et les chrétiens, il y en a qui ont pris les tombes de leurs prophètes et de leurs hommes pieux comme des lieux de prière ou des mosquées ou des lieux d'adoration. » Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « je vous avertis de ne pas prendre des mosquées, des tombes comme des lieux d'adoration, car je vous interdis de faire cela. Donc ça c'est une interdiction claire du prophète sallallahu alayhi wa sallam de faire des choses pareilles. Toutefois, qu'est-ce qu'on a vu, qu'est-ce qu'on voit par la suite, qu'est-ce qui s'est passé à travers l'histoire, c'est que il y a des groupes de musulmans qui ont justement fait le contraire de ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait interdit, et maintenant c'est répandu partout dans les pays musulmans. On trouve des tombes, des mosquées construites sur les tombes, et des mausolées et des trucs de ce genre. Comme si le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'avait rien dit à ce sujet-là. La référence, le hadith, c'est le hadith 532 dans Sahih Muslim, rapporté selon Jundub ibn Abdullah, et si c'est dans le livre de Al-Janaiz, c'est-à-dire le chapitre qui parle de la prière funéraire, les prières funéraires, vous trouvez dans ce chapitre les hadiths dans Sahih Muslim qui parlent de ce sujet-là. Et c'est des hadiths authentiques, et il y en a plusieurs qui parlent de ça et qui montrent que ces choses-là sont interdites. Après, le cheikh il dit « وَكَانَ هَذَا مَمْنُوعًا فِي الصَّدْرِ الْأَوَّلِ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ فِي عَصْرِ الْقُرُونِ الْمُفَضَّلَةِ وَلَا يُوجَدُ شَيْءٌ مِنَ الْبُنَيَّاتِ أَوْ الْبِنَيَّاتِ عَلَى الْقُبُورِ حَتَّى جَاءَتْ دَوْلَةَ الْفَاطِمِيِّينَ الشِّيعَةِ اسْتَوْلُوا عَلَى مِصْرَ وَكَثِيرٍ مِنَ الْبِلَادِ وَهُمْ شِيعَةٌ بَاطِنِيَّةٌ فَبَنَوْا الْمَسَاجِدَ فَبَنَوْا المشاهد على القبور في مصر وغيرها، ثم تكاثرت الأضرحة في بلاد المسلمين بعد ذلك بسبب هؤلاء الشيعة قبحهم الله، فهم أول من بنى على القبور كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. لشيخ الزي ces choses-là, de construire des mosquées sur les tombes, c'est quelque chose qui avait été interdit depuis les premiers siècles de l'islam. C'était toujours interdit, et même parmi les trois premiers siècles préférés, c'est-à-dire les trois premiers siècles des trois premières générations, ces choses-là avaient été interdites, et on ne trouvait ça nulle part, c'est-à-dire on ne trouvait pas de construction ou des bâtiments sur les tombes. C'est uniquement lorsqu'est arrivé les Fatimiyas en Égypte, la secte des Fatimiyas. En fait, c'est une dynastie qui a régné en Égypte pendant un certain moment, et on les appelle les Fatimiyas. En réalité, ce sont des Shia d'une secte qu'on appelle Al-Batiniya. Al-Batiniya. On les appelle les Ismaélites. C'est une secte ésotérique parmi les sectes qui sont en dehors de l'islam, qu'on considère comme étant mécréants, et ces gens-là s'appellent des Ismaélites, et ils existent encore aujourd'hui. Et c'est des gens qui ne croient en rien de l'islam. Ils déforment le sens de tout ce qui est écrit dans le Coran, et ils donnent à ce qui est écrit dans le Coran une autre signification, hein, qui est contraire à tout ce qui est écrit textuellement. Donc eux, ils disent, on ne doit pas rien prendre de ce qui est dans le Coran comme étant littéral. Faut pas prendre rien de ce qui est dans le Coran comme étant littéralement. C'est-à-dire, pour eux, tout ce qui est dans le Coran, ça a une interprétation secrète, que seuls les initiés à leur secte peuvent connaître. Hein? Et le sens commun que tous les musulmans comprennent lorsqu'ils lisent le Coran, ça c'est pour les gens ordinaires, les gens qui ne comprennent pas bien les choses de la philosophie. Mais ceux qui ont, soi-disant selon eux, prétendent que ceux qui ont atteint ce niveau de compréhension et d'évolution philosophique ou autre, eh bien, eux, ils s'initient dans leur secte, et là, on leur révèle, soi-disant, les compréhensions secrètes de l'islam, et il n'y a rien d'interdit pour eux, il n'y a rien d'obligatoire pour eux, tout ça, pour eux, c'est faux. Et il n'y a pas le paradis, ça n'existe pas pour eux, et l'enfer, ça n'existe pas pour eux, tout ça, c'est des états d'âme dans ton esprit, et pour eux, les anges, ça n'existe pas, et les prophètes, c'est pas des prophètes, c'est des philosophes. Ils découvrent la révélation par leur raison seulement, pas par un ange qui vient leur parler, et pour eux les anges c'est la raison. En tout cas, ils déforment complètement la réalité de l'islam. Même Allah subhanahu wa ta'ala, elle n'existe pas pour eux, hein, ils nient tous ses attributs et ses noms, hein, pour eux c'est sans aucune signification tout ça. Et ils adorent les morts, c'est ça qui est incroyable avec ces gens-là, ils adorent les tombes et les morts. Et ils prient à des hommes, et ils croient que ils croient que leurs imams sont des incarnations de Dieu, soi-disant. Donc, ça c'est des exemples des croyances de ces sectes de Shia, des gens qui se disent musulmans et qui n'ont rien à voir avec l'islam. À un certain moment donné, ils ont pris le pouvoir dans plusieurs pays musulmans, dans le nord de l'Afrique, hein, la Dawla al-Ubaydiyya, et au Yémen, et en Égypte, et en Irak, et en Syrie, et même dans les pays de Mecca et Medina, hein, ils ont pris le contrôle pendant longtemps, ils ont régné là-bas, et ils ont semé le désordre et la corruption dans les pays musulmans, et yani, c'est uniquement lorsque Salah ad-Din Ayyubi a pris le contrôle qu'il les a combattus. Et ça c'est pendant l'époque des croisades. Il a combattu les Batiniyas avant même de commencer à combattre les chrétiens qui étaient en Palestine à l'époque. Donc c'est pour vous dire à quel point leur danger était grave. Il a dit ça ne sert à rien de commencer à combattre les chrétiens si on a ces gens-là parmi nous qui sont plus mécréants que les chrétiens, qui sont au pouvoir dans les pays musulmans et qui appellent au coffre. Alors il a commencé à combattre ces gens-là avec son armée, et par la suite, quand il a repris le contrôle des pays musulmans, et là il s'est mis avec une grande armée et il est parti vers la Palestine et il a libéré la Palestine des chrétiens qui avaient pris le contrôle là-bas. Et donc, ça c'est pour faire comprendre que ceux qui ont été les premiers à amener cette bid'a de construire des mosquées sur les tombes, ce sont ces gens de cette secte qu'on appelle Al-Batiniya, des Ismaélites et des autres groupes de bid'a parmi les Shia et les Rafida aussi. Et si vous allez en Iran aujourd'hui, vous entendez beaucoup de gens qui se convertissent, soi-disant parmi les musulmans qui deviennent Shia et qui rentrent avec les Rafida. Et ils rentrent surtout à cause des soi-disant discours politiques des gens qui parlent soit au Liban ou des trucs de ce genre. Ils se présentent comme étant soi-disant des gens courageux qui n'ont pas peur des Juifs, qui n'ont pas peur des Américains et qui montrent qu'ils sont capables d'attaquer soi-disant, alors qu'ils sont plus koufars que les Juifs qu'ils attaquent. Hein. Et la réalité de ça, c'est parce qu'ils cachent leur égarement et leur mécréance derrière un discours politique pour éblouir les gens, alors qu'en réalité, si tu rentres dans leurs livres et tu écoutes ou tu lis ce qu'ils racontent au sujet de l'islam et de la foi, tu vois que c'est complètement en opposition avec ce qu'il y a dans le Coran et dans la Sunna. Hein. Et pour eux, les Sahaba sont des koufars. Hein. Et pour eux, non seulement ça, mais c'est que l'adoration des tombes, c'est la base même de leur religion. Tu vas en Iran là-bas, qu'est-ce qu'ils font? C'est juste adorer des tombes. Et à Karbala, ils font le Hajj chaque année. Et à Najaf, la même chose. Et pour eux, ça a plus d'importance de faire ça que de faire le Hajj à Mecca. Hein? Donc ça, c'est des exemples de formes de shirk que ces gens-là font. Hein? Al-Khomeini, il y a une grosse tombe là-bas, ils font le Hajj là-bas chaque année, la même chose. Hein? Donc c'est leur religion, c'est la même chose, c'est ça leur religion. Et même quand ils viennent faire le Hajj à Mecca, et quand ils viennent à Al-Madina, ils ne font que visiter les cimetières et les tombes. C'est ça pour eux le Hajj. Hein? Donc ça c'est des gens de bid'a et leur religion est basée sur le shirk des tombes. Et donc c'est pour ça que c'est important de comprendre que tous ceux qui ont amené ça parmi les musulmans sunnites, c'est les soufis. Ils ont pris ça chez les chiites, ils l'ont ramené parmi les musulmans qui étaient sur la sunna par la suite, et ça s'est répandu dans le monde entier par la suite, dans tous les pays musulmans. Wallahu musta'an. Donc, c'est pour ça que c'est important de comprendre le danger de ça et que le prophète Hassan a averti contre ces choses-là et qu'il a appelé à détruire ces bâtiments qui sont construits sur les tombes. Le Cheikh dit « وَهَاُلَا لَهُمْ شُبُهَاتٌ يَسْتَدِلُّونَ بِهَا بِزَعْمِهِمْ يَظُنُّونَ أَنَّهَا أَدِلَّةٌ » Le Cheikh dit « Ces gens-là, ils ont des shubuhat, ils ont des arguments qui sont des faux arguments, hein, des ambiguïtés et des doutes. Ils utilisent pour essayer de tromper les gens, pour essayer de leur faire croire qu'ils ont des preuves ou des arguments pour faire ce qu'ils font de shirk et de bid'ah. Et parmi le shirk, il en mentionne quelques-unes, et puis on va les lire, inshallah, pour comprendre comment répondre à ces shubuhat. il dit الشبهة الأولى أن هذا من اتخاذ الوسيلة وقد قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله واتقوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون فسروا الوسيلة بأن تجعل بينك أن تجعل بينك وبين الله واسطة من الخلق وفي قوله تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه فسروا الوسيلة في الآيتين بأنه اتخاذ الوسائط بينهم وبين الله وهذا تفسير باطل لم يقله أئمة التفسير بل أئمة التفسير فسروا الوسيلة بأنها الطاعة والتقرب إلى الله بعبادته والوسيلة هي الطريق الموصل إلى الله بعبادته وذلك بعبادته وحده لا شريك له والتقرب إليه فالطريق الذي يوصل إليه هو عبادته وحده لا شريك له فالوسيلة هي العبادة والطاعة بفعل الأوامر وترك النواهي الشيخ explique que ça en fait cette shubha on l'avait mentionné pour le premier point qui annule l'islam dans le shirk c'est-à-dire que parmi les shubuhat, ils utilisent le terme wasila. On a expliqué déjà que eux, pour eux, le wasila, le mot wasila, ça veut dire les intermédiaires. Ils interprètent ça comme si ça voulait dire les intermédiaires, alors qu'en réalité, ça ne veut pas dire les intermédiaires, ça veut dire tout ce qui peut être utilisé comme moyen pour plaire à Allah et pour se rapprocher à Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, ça comprend la foi et les bonnes œuvres et l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est ça le wasila, c'est ça le moyen pour arriver à Allah subhanahu wa ta'ala et non pas le fait de prendre un intermédiaire parmi les hommes puis que tu l'adores en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça c'est la première shubha. Le Cheikh dit amma qawluhu ta'ala ulaika alladhina yad'una yabtaghuna ila rabbihim alwasila ayyuhum aqrab wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adhabahu. فالمعنى أن الذين يعبدون الملائكة من العرب والذين يعبدون المسيح عليه السلام من النصارى رد الله عليهم بأن هؤلاء الذين تعبدون من دون الله هم من عبادي يتقربون إلي ويعبدونني وليس لهم من الأمر شيء ولا من الربوبية شيء فهم عباد يتقربون إلى الله بالعبادة ويرجون رحمة الله ويخافون عذابه فلا يجوز أن يتخذوا وسائط ووسائل يتقرب بواسطتهم إلى الله بقوله أولئك الذين يدعون أي يدعوهم المشركون من الملائكة وبعض الرسل كالمسيح عليه السلام هؤلاء عباد لله ليس لهم من الأمر شيء يبتغون إلى ربهم الوسيلة فهم فقراء إلى الله محتاجون إليه ويرجون رحمته ويخافون عذابه فكيف يتخذون آلهة يعبدون مع الله وهم عباد يخافون من عذاب الله ويرجون رحمته ويتقربون إليه هذا هو تفسير الآية الذي فسرتها به أئمة التفسير. Le Cheikh il dit que le verset qu'ils utilisent, comme le verset 85 dans Surat Al-Isra, ce verset-là, il dit ceux-là, ils invoquent les awliya ou les saints ou les hommes pieux ou les prophètes. يَبْتَغُونَ إِلَى رَبِّهِمُ الْوَسِيلَ. Ceux qu'ils invoquent, ceux que les mouchriquins invoquent, eh bien, parmi les prophètes ou parmi les anges, les Arabes, par exemple, le Cheikh il dit, ce verset-là, ça signifie que les Arabes, avant l'islam, ils adoraient les anges. Ou bien ils adoraient les chrétiens, ils adoraient le prophète Isa, alayhi salam. Ou bien, des hommes pieux parmi les hommes pieux. Ok? Et, ils croyaient que ça c'était un moyen pour eux de se rapprocher à Allah subhanahu wa ta'ala. Alors que eux-mêmes, ces créatures-là qu'ils adoraient, eux-mêmes ils souhaitent, ils espèrent en la miséricorde d'Allah. Et ils adorent Allah subhanahu wa ta'ala eux-mêmes. Donc comment tu peux adorer quelqu'un alors que lui-même il est en train d'adorer Allah et il espère la miséricorde d'Allah. Donc le Cheikh il dit donc que Allah subhanahu wa ta'ala a répondu à ce qu'il faisait en disant que ceux que vous adorez en dehors d'Allah sont eux-mêmes des serviteurs, sont eux-mêmes que vous, ceux que vous adorez sont mes serviteurs déjà, hein, et ils m'adorent, et ils se rapprochent à moi, et ils n'adorent que moi, alors ils n'ont aucun contrôle et aucune décision dans quoi que ce soit de ce qui se produit et de ce qui se passe dans l'univers. Donc si vous voulez quelque chose, si vous avez besoin de quelque chose, ne demandez pas à ces êtres-là, ne demandez pas à ces créatures-là qui sont mes serviteurs, demandez-moi à moi directement, hein. Donc c'est ça la réponse en fait à ce sujet-là. Ils n'ont rien dans le contrôle de la création, ils n'ont rien dans le contrôle de la subsistance ou dans quoi que ce soit de l'univers. Ce sont des serviteurs d'Allah qui cherchent à se rapprocher eux-mêmes d'Allah en faisant de l'adoration et qui espèrent la miséricorde d'Allah et qui craignent le châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'est donc pas permis à quiconque de les prendre eux comme des intermédiaires entre nous et Allah subhanahu wa ta'ala, et de les prendre comme des wasa'il ou des wasila, des moyens pour se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala par leur intermédiaire. Et donc quand Allah subhanahu wa ta'ala il dit ulaika alladhina yad'una ay yad'uhum al-mushrikun ila al-mala'ika wa ba'd ar-rusul, donc ceux que les mushrikoun invoquent parmi les anges et parmi certains prophètes comme Jésus Isa alayhi salam, ils n'ont aucun contrôle sur quoi que ce soit dans l'univers, ils sont eux-mêmes des créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala, hein, et ils n'ont aucun contrôle dans l'univers, et eux-mêmes ils cherchent un moyen d'atteindre l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils sont indigents, ils ont besoin d'Allah subhanahu wa ta'ala, comment ils pourraient nous aider eux alors qu'eux-mêmes ont besoin de l'aide, hein. Comment ils pourraient nous donner quelque chose alors qu'eux-mêmes ils ont besoin d'Allah subhanahu wa ta'ala pour avoir ce qu'ils veulent. وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ, eux-mêmes ils craignent le châtiment d'Allah et ils espèrent en sa miséricorde. Comment on pourrait les prendre comme des idoles ou des objets d'adoration et de les adorer avec Allah subhanahu wa ta'ala alors qu'ils sont eux-mêmes en train de craindre le châtiment d'Allah et ils espèrent de se rapprocher à Allah. Ça c'est le vrai tafsir, ça c'est la vraie compréhension de ce verset-là. Tandis que les gens de Bid'a, eux, ils le traduisent en disant que le moyen d'arriver à Allah ou de plaire à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est de prendre des intermédiaires parmi les hommes et de leur demander ou demander à Allah subhanahu wa ta'ala par eux, ou bien de demander à eux directement pour qu'ils demandent à Allah subhanahu wa ta'ala pour nous. Et ça, il n'y a pas de doute que c'est un faux tafsir qui est en contradiction avec tout ce que les savants de tafsir ont dit au sujet de ce verset. Le cheikh dit وقيل إن أناسا كانوا يعبدون ناسا من الجن فأسلم الجن ولم يعلم الذين يعبدونهم بإسلامهم فالله أخبر أن هؤلاء الذين تعبدونهم من دون الله قد أسلموا وصاروا يتقربون إليه ويرجون رحمته ويخافون عذابه فكيف يتخذون مع الله وهم من عباده يعبدون الله ويرجون رحمته ويخافون عذابه. Donc le cheikh il dit il dit une autre explication à ce sujet au sujet de ce verset, c'est qu'il y avait certains êtres humains qui adoraient les djinns, hein, il y a plein de gens aujourd'hui, même encore aujourd'hui parmi les hommes, ils n'adorent pas des idoles, ils n'adorent pas des statues, mais ils adorent les djinns. Et les djinns c'est des êtres invisibles, on les voit pas, hein, mais ils ont différentes façons pour les adorer. Et donc qu'est-ce qu'ils font? Ils font des trucs de cérémonie, de danse avec de la musique, où ils entrent en transe et où ils se font posséder soi-disant par les djinns. Et par l'intermédiaire de ces gens qui sont en transe, ils leur offrent des adorations. Ils leur offrent des adorations à travers ces gens qui rentrent en transe quand ils sont possédés par ces djinns. Et chacun de ces djinns, soi-disant, il a un nom ou une personnalité quelconque. Et on le reconnaît, soi-disant, selon certaines caractéristiques que la personne adopte une fois qu'elle est possédée par ce djinn en particulier. Et donc, ils vont lui offrir des cadeaux, ils vont lui offrir des offrandes, des sacrifices et des trucs de ce genre. Et il y en a parmi les groupes ou parmi les sectes des gens qui se disent musulmans dans les pays musulmans, qui font des choses comme ça dans les pays musulmans, avec des musiciens et avec des gens qui font de la danse et de la musique au nom de l'islam. Et après, ils entrent en transe. Et après, soi-disant, le djinn demande à la personne qui est le prêtre ou le marabout ou autre, hein, ils vont lui dire, tu dois égorger tel animal, telle forme d'animal ou telle chose. Donc, ils vont prendre soit une poule, ou soit ils vont prendre une vache, ou ils vont prendre une autre chose, et ils vont l'égorger, soi-disant, pour ce djinn. Hein. Tout ça, c'est des adorations pour le djinn. Hein. Et ils pensent que ça, c'est permis. Ils pensent que qu'est-ce qu'ils font, c'est correct. Alors que ça, c'est de l'adoration pour le djinn, et c'est du shirk. Et ça fait partie, ça fait pas, c'est pas une idole qu'ils adorent, mais c'est quand même une adoration qu'ils font pour autre que Allah, et donc ça rentre dans le shirk. Hein. Et donc ceux qui disent par exemple, ah, il y a maintenant, il y avait avant, il y avait l'ancien shirk, et aujourd'hui il y a le nouveau shirk, et avant les gens adoraient des idoles, et maintenant les gens ils adorent d'autres choses, c'est pas des idoles. Même avant il y avait des gens qui adoraient autre chose que des idoles, comme on l'a expliqué déjà hier. Et encore aujourd'hui il y a des gens qui adorent encore les idoles. Donc c'est pas vrai cette histoire de distinguer ou de diviser le shirk en ancien et nouveau. Tout ça, ça existe aujourd'hui encore, comme si avant ça existait et aujourd'hui ça existe encore la même chose. Même des fois c'est pire. Hein, et ça, ces choses-là, que ce que je vous décris, par exemple l'adoration des djinns de la part de ces gens-là, vous le trouvez chez les koufars, parmi des gens qui suivent d'autres religions, chez les hindous, chez des groupes d'animistes, parmi les gens qui adorent des djinns en Afrique ou en Asie, et vous trouvez même en Haïti, hein, dans le pays de mon père, vous trouvez des gens qui font le voodooisme. Et le voodooisme, c'est l'adoration des djinns. Et ils sacrifient des animaux pour les djinns. Hein. C'est pas des statues, ils n'ont pas des idoles. Et ils ont même fait quelque chose, les voodooisants en Haïti, c'est grave. Qu'est-ce qu'ils ont fait en fait? C'est que, étant donné qu'ils, durant l'esclavage, ils ont été forcés à se convertir au christianisme, et bien qu'est-ce qu'ils ont fait pour cacher leur religion? Ils ont adopté pour chaque saint de l'Église catholique un djinn qui le représente. Donc, quand tu les vois adorer les saints catholiques, en réalité, c'est pas les saints catholiques qu'ils adorent, c'est le djinn qui représente yani leur djinn dans leur religion du voodooisme. Et eux, ils appellent ça les lois. Les djinns, ils ne les appellent pas djinns, ils les appellent des lois. Ça s'écrit L-O-A. Hein? Et ils font des cérémonies, et il y a des transes, et ils sacrifient des animaux. Hein? Et même, il y en a qui ont été mis même sur Internet, dans Dailymotion, vous voyez, ils ont même filmé ça. Il y a un Australien qui est parti en Haïti, il a fait un reportage, et il montre quand il est allé en Haïti, il a filmé une cérémonie vaudou, dans laquelle on sacrifie un bouc. Et le prêtre vaudou, hein, il mange les testicules du bouc, il lui arrache vivant. Après, il le mange et il le passe aux autres pour qu'ils en mangent eux aussi. Et après, il l'égorge pour le djinn. Et après, il le cuit et il le donne à tout le monde pour manger. Et bien, parmi les musulmans, il y en a qui se disent musulmans, qui font des trucs comme ça dans les pays musulmans. Les Gnawa, les Aïsawa, Jilala et d'autres confrères soi-disant musulmans dans les pays musulmans qui font la même chose que ces gens-là au nom de l'islam. Et même, je vais vous dire quelque chose de plus grave encore, Allah al-Musta'an, il y a des sectes qui sont rentrées en Haïti maintenant, comme un centre qui s'appelle le centre spirituel Allahu Akbar, et bien ils ont écrit un texte dans leur site où ils disent que le voodooisme, ça vient de l'islam. Et que les prêtres voodoo, les ougans, eh ben c'est des marabouts dans l'islam. Et que c'est donc pour eux une prolongation de voodooisme, donc vient selon eux de l'islam, alors que ça n'a rien à voir avec l'islam. Mais c'est pour vous dire à quel point des gens, Allah al-Musta'an, comment ils, quand ils tombent dans le shirk, le shirk, peu importe où vous allez dans le monde, vous trouvez, il se manifeste toujours des mêmes façons, de la même façon, tout le temps. Le shirk, ça reste le shirk. Que ce soit fait par des gens qui se disent musulmans, par des gens qui se disent bouddhistes, par des gens qui se disent hindous, par des gens qui se disent chrétiens, juifs, peu importe le nom qu'ils se donnent, c'est pas important. L'important c'est que ce soit, quand tu vois que c'est contraire au tawhid, quand c'est contraire à la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, quand c'est contraire à ce que les messagers d'Allah ont enseigné, tu sais que c'est shirk, ou que c'est pas la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il y a beaucoup de gens qui sont confus à ce sujet-là. Et donc, il y en a, comme on disait, qu'ils adorent les djinns et qu'ils cherchent, ils cherchent à se rapprocher aux djinns. Et donc, comme ça, c'est une des interprétations qu'ils avaient données à ce verset. Il y a des djinns, il y a des hommes qui adoraient des djinns, et parmi ces djinns-là, il y en a qui se sont convertis à l'islam. Mais les hommes qui les adoraient n'ont pas su que ces djinns-là s'étaient convertis à l'islam. Hein? Donc, ils ont continué à les adorer. Alors que eux, les djinns, adoraient Allah subhanahu wa ta'ala, ils ont cessé le shirk. Ils ont cessé de, disons, suivre la religion qu'ils suivaient avant. Alors Allah subhanahu wa ta'ala a informé ceux qui les adoraient, en dehors d'Allah, qu'ils s'étaient convertis. Hein, ils ont commencé à se rapprocher à Allah subhanahu wa ta'ala et à espérer en sa miséricorde et à craindre son châtiment. Alors, comment vous pouvez les prendre comme des intermédiaires avec Allah subhanahu wa ta'ala, alors que eux sont des adorateurs d'Allah subhanahu wa ta'ala et qu'ils craignent Allah subhanahu wa ta'ala et qu'ils craignent son châtiment et qu'ils espèrent en sa miséricorde. Donc ça, c'est des exemples. Le Cheikh dit, فَالْآيَةَ لَهَا تَفْسِيرَانِ صَحِيحَانِ التَفْسِيرُ الْأَوَّلِ أَنَّ الْمُرَادِ بِهِمَ الْمَلَائِكَةِ وَبَعْدُ الرُّسُلِ والثاني أن أناسا من الجن يعبدهم المشركون فأسلموا ولم يعلم من يعبدونهم أنهم أسلموا فالله أخبر عنهم وعلى كل ما داموا كذلك فهم عباد يتقربون إلى الله ويرجون رحمته ويخافون عذابه فلا يجوز أن يتخذوا مع الله سبحانه وتعالى ولهذا بطل تفسيرهم أن الوسيلة هي اتخاذ الوسائط من المخلوقين بينهم وبين الله سبحانه وتعالى وسقطت حجتهم. Donc ça c'est les deux tafsirs qui sont acceptés au sujet de ce verset-là, au sujet de Al-Wasila. Que soit que c'est les anges qu'ils adoraient, ou Isa alayhi salam, ou bien les djinns qui se sont convertis à l'islam, qui continuaient d'adorer, même après le fait qu'ils étaient convertis à l'islam. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala a nié leur adoration et a dit que ceux-là que vous adorez, ils sont en train même eux de se rapprocher à Allah et ils souhaitent sa miséricorde et ils craignent son châtiment. Donc ça c'est pour nous faire comprendre que cette première shubha au sujet du terme aussi là, eh ben, elle est pas bonne, ok? Comme on l'a dit hier. Et الشبهة الثانية أنهم يتخذون الوسائط بينهم وبين الله من باب التعظيم لله. فإن الله, quand vous voyez des trucs comme ça dans les musulmans, des gens qui font des formes de shirk comme ça, et après, tu vois des gens qui ne mentionnent jamais rien là-dessus, et parlent d'économie, de politique et de social. Et comme si le shirk, yani, c'était la dernière de leur occupation. Yani, ça c'est des gens inconscients. Comment tu veux sauver des gens dans leur économie, dans leur politique et dans leur social, alors que si, même si tu réussis à résoudre ces problèmes-là, ils arrivent avec le shirk devant Allah au jugement dernier, et ils restent dans l'enfer pour l'éternité parce que c'est le seul péché qu'Allah ne pardonne pas. Même si tu as la meilleure économie au monde, même si tu as la plus puissante économie au monde, qu'est-ce que tu vas faire devant Allah subhanahu wa ta'ala au jugement dernier avec le shirk? Hein? Tu vas dire, oh Allah, on avait le meilleur PNB, hein? On a réussi à atteindre le meilleur PIB dans tous les pays du monde, donc ça c'est quelque chose qui va nous sauver au jugement dernier? Non, hein? Allah al-musta'an. Le shaykh dit, ashhubatu thaniya, annahum yattakhidhuna al-wasa'it baynahum wa bayna Allah min bab al-ta'zim lillah. فإن الله عظيم لا يتوصل إليه إلا بالوسائط وهم الشفعاء الذين يشفعون عنده ويتوسطون عنده. فهذا بزعمهم من تعظيم الله بحيث لا يتوصل إليه إلا بوسائط كما إن ملوك الدنيا لا يتوصلون إليهم إلا بالوسائط والشفعاء فحصل من زعمهم هذا. Donc le cheikh il mentionne une deuxième shubha parmi les shubuhat des mushrikines aujourd'hui, c'est qu'ils disent qu'ils prennent des intercesseurs ou des intermédiaires entre eux et Allah pour glorifier Allah, pour montrer le respect envers Allah. Et ça c'est incroyable d'entendre des gens qui prétendent une chose pareille. Comment tu peux prétendre de prendre des intermédiaires entre toi et Allah et puis tu dis que c'est pour respecter ou pour honorer Allah? Hein, ils disent parce que Allah il est grand, hein, et on lui doit un respect. Et donc, étant donné qu'il est grand et qu'on lui doit un respect, on ne peut pas aller vers lui directement. Il faut prendre entre nous et lui des intermédiaires pour que eux transmettent nos demandes, hein, pour nous auprès de lui. Et ça, c'est ce qu'ils pensent et c'est ce qu'ils prétendent. Ils prétendent que c'est pour honorer Allah et pour glorifier Allah subhanahu wa ta'ala. Et il dit, c'est comme les rois et les princes et les présidents dans le monde aujourd'hui, on ne peut pas aller vers eux directement. Tu dis, je vais aller rencontrer le roi aujourd'hui, je vais aller frapper à sa porte pour lui parler. Tu ne peux pas faire ça. Hein? Tu ne peux pas dire, je vais aller rencontrer le roi de la Belgique pour lui parler, pour lui dire mon problème aujourd'hui. Donc eux, ils font la comparaison entre ça et Allah subhanahu wa ta'ala. Et ils essaient de faire croire que, yani, comme les rois dans ce monde, ils ont besoin des intermédiaires, on doit passer par des ministres, par des députés, par des connaissances, hein, comme on dit, des connexions, pour aller les voir, eh ben, Allah c'est pour eux la même chose. Et le cheikh, il répond à ça en plusieurs points, en 5 points. Il répond à cette shubha en 5 points. أولا أنهم قاسوا الله عز وجل على ملوك الدنيا وهذا أمر باطل وليس من تعظيم الله سبحانه وتعالى بل هو من تنقص الله بحيث إنهم قاسوه بخلقه وصرفوا شيئا من عبادته لغيره والشرك تنقص لله عز وجل وليس تعظيما كما يزعمون. الشيخ في premièrement, c'est parce qu'ils ont comparé Allah subhanahu wa ta'ala, ils ont fait une sorte d'analogie entre Allah et sa création, c'est-à-dire entre Allah et les rois de ce monde, et les dirigeants de ce monde. Et ils disent ça c'est faux, on n'a pas le droit de faire ça, et ça ne fait pas partie de l'honneur qu'on montre à Allah subhanahu wa ta'ala, ou au respect qu'on doit à Allah subhanahu wa ta'ala. En fait c'est le contraire, c'est quelque chose qui rabaisse Allah subhanahu wa ta'ala, qui... En fait, c'est quelque chose qui est insultant pour Allah subhanahu wa ta'ala parce que tu le compares à sa créature et tu offres à sa créature ou à autre que lui quelque chose de l'adoration qui est son droit absolu. Hein? Et ça, c'est du shirk. Et ça, c'est quelque chose qui insulte Allah subhanahu wa ta'ala et ce n'est pas quelque chose qui l'honore, l'exalte ou qui lui montre sa grandeur, comme eux prétendent. Ça c'est le premier point pour répondre à ces gens-là. Deuxième point, ثانياً أن قياس الله على البشر تنقص لله تعالى فالله جل وعلا يعلم أحوال عباده أما البشر والملوك فلا يعلمون أحوال الرعية إلا بأحد يبلغهم عنها لأنهم بشر. أما الله عز وجل فإنه يعلم ما في السماوات والأرض ولا يحتاج إلى أو لا يحتاج من يبلغه حوائج عباده. Ça c'est le premier point. Pardon, ça c'est le deuxième point. Il dit que Allah subhanahu wa ta'ala, يعني, il dit que le fait de faire des analogies entre Dieu, entre Allah subhanahu wa ta'ala et l'être humain, ça c'est quelque chose qui insulte Allah, c'est une insulte envers Allah subhanahu wa ta'ala de faire une chose pareille. Et ça c'est ces réponses que vous entendez maintenant, c'est bon pour tous les mouchriquins, tous les gens qui prennent des intermédiaires entre eux et Allah subhanahu wa ta'ala, peu importe quel shirk ou quelle religion ils suivent, même des chrétiens, vous pouvez leur répondre des choses comme ça, parce qu'ils utilisent les mêmes arguments pour justifier l'adoration qu'ils font pour Jésus ou pour Marie ou pour d'autres. Hein? Donc, le cheikh il dit que quand tu compares Allah à la création ou à l'être humain, tu insultes Allah subhanahu wa ta'ala en faisant ça. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il connaît l'état de ses serviteurs. Il n'a pas besoin de quelqu'un qui va venir lui dire qu'est-ce que son serviteur a besoin. Hein? Tandis que les êtres humains, les rois, les présidents, les dirigeants dans ce monde, ce sont des êtres humains et ils ne savent pas l'invisible, ils ne connaissent pas l'état de chacun de leurs sujets dans la société. Donc, ils ont besoin de quelqu'un qui va les informer de la situation des citoyens ou de la situation des sujets qui sont sous son gouvernement. Et donc, comparer un être humain à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est de faire une injustice à Allah subhanahu wa ta'ala, parce que c'est comme si tu compares l'ignorant avec celui qui sait tout, Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, il connaît tout ce qui est dans les cieux et sur la terre, et il n'a pas besoin de quelqu'un pour connaître les besoins de ses serviteurs. Ça, c'est le deuxième point. أن ملوك الدنيا بحاجة إلى أن يقبلوا شفاعة الشافعين لأنهم بحاجة إلى الأعوان والوزراء فلو ردوا شفاعتهم لتنكروا عليهم وعادوهم فهم يقبلون شفاعتهم وإن كانوا يكرهون ذلك من أجل الإبقاء على ملكهم واستجلاب الناس للخضوع لهم أما الله سبحانه وتعالى فإنه غني عن عباده لا يحتاج إلى وزراء وشفعاء كملوك الدنيا. Le cheikh il dit qu'un autre exemple de la fausseté de cet argument, c'est que les rois dans ce monde, eux, ils ont besoin d'accepter l'intercession des intercesseurs. Pourquoi? Parce qu'ils ont besoin d'aide de la part de leurs ministres. Ils ont besoin d'aide de la part de leurs députés. Hein? Qu'est-ce qu'un dirigeant peut faire s'il n'a pas de ministre, de conseiller? Il est obligé d'en avoir, parce que tout seul, il ne peut pas faire tout. Donc, il leur doit parfois des faveurs. Il a besoin d'eux. Hein? C'est pas comme les êtres humains. Alors, le cheikh, il dit, donc c'est ça montre en fait l'erreur de cet argument. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a besoin de personne. Il n'a besoin de personne. Hein? Et il n'y a personne qui a des faveurs auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il est obligé de dire à quelqu'un oui. Hein? Donc celui qui pense que Allah subhanahu wa ta'ala est comparable à un roi et qu'on doit prendre des intermédiaires pour s'approcher à lui, alors c'est comme s'il a comparé Allah subhanahu wa ta'ala à une créature qui est faible. Hein? Que les dirigeants dans ce monde, ils ont besoin de ces ministres ou de ces aides pour garder ou rester sur leur position et leur pouvoir, et pour que les gens continuent à les écouter et à les suivre. Et donc Allah, lui, il n'a pas besoin de personne, contrairement aux êtres humains. Ça, c'est le troisième réponse à ce sujet-là. Quatrièmement, أن ملوك الدنيا في الغالب لا يريدون الخير. Oui, le chef il disait, ils sont obligés d'accepter parfois l'intercession de ces gens-là, même si eux, au fond de leur cœur, ils détestent ça. Ils n'ont pas envie de le faire, mais ils n'ont pas le choix. Hein? Donc ça montre l'exemple. Ça rajoute un point important. Quatrièmement, أن ملوك الدنيا في الغالب لا يريدون الخير ولا يعطون الطلب إلا مع التثاقل أما الله جل وعلا كريم لا يؤثر عليه أحد في إرادة الخير لعباده كما يؤثر على ملوك الدنيا الله جل وعلا إذا طلبته الله جل وعلا إذا طلبته ودعوته فإنه قريب مجيب لا يحتاج إلى وساطة بخلاف ملوك الدنيا فإنهم لا يعطون الطلب إلا بعد التي والتي كما هو معروف لأنهم بشر وصفة البشر الشح والبخل والتمنع والتنكر. أما الله جل وعلا فإنه كريم مجيب قريب غني. Le Cheikh il explique une autre exemple qui montre la fausseté de cette comparaison qu'ils ont fait, de cette analogie-là, c'est que la plupart du temps, les dirigeants ou les rois de cette dunya, parmi les êtres humains, eux, ils ne veulent pas le bien pour les gens. Et parfois, quand ils donnent seulement avec une grande difficulté. Hein, ils se forcent, ils sont obligés de se forcer pour donner quelque chose alors qu'en réalité ils n'ont pas envie parfois de le faire. Toutefois, Allah subhanahu wa ta'ala, lui, au contraire, il est généreux. Et il n'y a rien qui peut le forcer à faire ce qu'il ne veut pas. Il n'y a personne qui peut le forcer à faire ce qu'il ne veut pas. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il aime faire le bien pour ses serviteurs. Hein, c'est pas comme les rois de ce monde. Et il dit Allah subhanahu wa ta'ala, si tu lui demandes, il te donne. Il est proche et il exauce les demandes de ceux qui l'invoquent. Et il n'a pas besoin d'intermédiaires contrairement aux rois de ce monde, car eux, ils ne donnent pas excepté, yani, si tu leur demandes. Alors que Allah subhanahu wa ta'ala, il te donne même si tu lui demandes pas, hein, Allah subhanahu wa ta'ala. Car les êtres humains, parmi leurs caractéristiques, l'être humain, il est comme ça. Il a des caractéristiques du fait qu'il est avare, pingre, hein, il aime refuser, et parfois il veut pas donner, il refuse. Tandis qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il est pas comme ça. Il est généreux, il exauce les demandes de ses serviteurs, il est prêt de ses serviteurs, et il est riche. C'est-à-dire, il se suffit à lui-même et peu importe combien il donne, eh ben, y a rien de, ça ne diminue rien dans son royaume. Et le dernier point que le Cheikh a mentionné pour répondre à cette choubha, il dit « خامساً أن ملوك الدنيا فقراء ينفد الذي عندهم وقد لا يكون عندهم شيء ويحتاجون إلى القرض وإلى الاحتيال أما الله جل وعلا فعنده خزائن السماوات والأرض فهو غني كريم كل حوائج الخلق عنده قال الله تعالى في الحديث القدسي يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا ما ينقص المخيط إذا أدخل البحر فلو أن كل الخلق أولهم وآخرهم وإنسهم وجنهم اجتمعوا في صعيد واحد وسألوا وأعطاهم الله حوائجهم كلها لا ينقص ذلك من ملكه شيئا بخلاف ملوك الدنيا فلو أعطوا نفد الذي عندهم قال تعالى ما عندكم ينفد وما عند الله باق فقياس الخالق سبحانه على المخلوق باتخاذ الوسائط عنده قياس باطل من وجوه متعددة. Donc le Cheikh il explique comme dernier point que les rois de ce monde, ils sont pauvres, ils sont eux-mêmes dans le besoin parfois, ils n'ont même pas parfois ce qu'ils ont besoin, ils sont obligés d'emprunter, hein, ou de faire des ruses pour avoir ce qu'ils ont besoin, tandis que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui possède les trésors des cieux et de la terre, et il est riche et généreux. Tous les besoins de sa création, c'est lui qui les possède, c'est lui qui donne. Et comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné les paroles d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith qudsi rapporté par l'imam muslim selon Abi Zar al-Ghifari, radiallahu anhu, il dit que Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « Ô mon serviteur, si le premier d'entre vous et le dernier d'entre vous, l'homme d'entre vous et le djinn d'entre vous se tenaient tous sur un champ, et que chacun d'entre vous me demandait ce qu'il veut, et que je donnais à chacun d'entre eux ce qu'il demande, cela ne diminuerait rien de ce qui est auprès de moi, hein. Et donne une comparaison ou un exemple, c'est comme quand tu trempes une aiguille dans l'océan, tu vois ce qui en sort. Si tu trempes une épingle ou une aiguille dans l'océan, tu vois la petite quantité d'eau qui en sort, et bien ça ne ferait même pas diminuer ce que Allah possède de cette quantité d'eau qui sort de l'aiguille lorsqu'on la trempe qui sort de l'océan lorsqu'on trempe cette aiguille dans l'océan. Donc, ça c'est un exemple pour nous faire comprendre à quel point Allah subhanahu wa ta'ala il est riche et que, tandis que les rois de ce monde, s'ils donnent et ils donnent et ils donnent et ils donnent et ils donnent, à un moment donné, ça va arrêter, hein, ils en auront plus, contrairement à Allah subhanahu wa ta'ala. Il mentionne le verset 96 dans Surat al-Nahl qui dit, ce qui est avec vous peut terminer, vous pouvez épuiser ce que vous avez, tandis que ce qui est auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala demeure, ça reste. Donc de comparer le Créateur avec la créature, dans le fait de prendre des intercesseurs et des intermédiaires dans l'adoration, tout ça c'est de fausses comparaisons, de fausses analogies, de plusieurs points de vue comme on a pu en voir quelques-uns. Ensuite, le Cheikh il donne une autre shubha du mushrikin. Il dit « Al-shubha al-thalitha al-wasa'it rijalun salihun wa lahum makanatun inda Allah subhanahu wa ta'ala fa nahnu nas'alu Allah bihim li'annana muhnibun wa ha'ula rijalun salihun wa lahum makanatun inda Allah fa natlubu minhum an yuqarribuna ila Allah zulfa wa an yashfa'u lana inda Allah subhanahu wa ta'ala. والجواب عن ذلك أن صلاح الآخرين وعمل الآخرين ليس لك فيه استحقاق وعملهم لهم وأنت لا ينفعك إلا عملك فإذا لم يكن لك عمل فهؤلاء لا ينفعونك يوم لا تملك نفس لنفس شيئا وقال تعالى يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. Le Cheikh il dit, comme troisième exemple ou comme troisième argument de la part de ces mushrikins qui prennent des intermédiaires entre eux et Allah subhanahu wa ta'ala, il y en a parmi eux qui disent, les intermédiaires qu'on prend parmi nos hommes pieux, on les prend parce qu'ils ont un poste, une position, ou un degré, ou un statut très élevé auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, j'ai dit, nous on demande à Allah par leur statut et par leur niveau élevé. Pourquoi? Parce que nous on est des pécheurs, on est des gens faibles, on a plein de péchés, plein d'erreurs. Et donc, eux ce sont des hommes pieux et ils sont loin des péchés, et donc à cause de ça, ils ont une position très très élevée auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, et donc nous on demande, ou on leur demande de nous rapprocher à Allah subhanahu wa ta'ala, et on leur demande d'intercéder pour nous auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça c'est la troisième shubha qu'il mentionne, et la réponse à ce sujet-là, comme le Cheikh il l'explique, il dit, la piété des autres et les bonnes actions des autres, tu n'en as aucun droit là-dedans. Tu n'as aucun droit là-dedans, toi. Et leurs bonnes actions sont pour eux. Et ça ne va pas te profiter en rien. Et donc c'est pour ça, si quelqu'un par exemple, il fait le bien, c'est pour lui-même. Hein? Si quelqu'un fait le bien toute sa vie, et qu'il meurt sur le bien, alhamdoulilah, c'est pour lui. Tu peux pas par la suite demander à Allah par cette personne pour que Allah t'aide. Si tu veux qu'il t'aide, Allah subhanahu wa ta'ala, et qu'il te pardonne, tu dois faire le bien pour toi-même, hein. Et donc le Cheikh il dit que si toi tu n'as pas fait des bonnes œuvres, alors ceux-là ne pourront rien faire pour toi. Hein? Chacun doit faire des bonnes actions pour lui-même. Et donc le fait qu'ils aient moins de péché que toi, ou qu'ils n'aient pas de péché, et que toi tu sois dans le péché, ça ne veut pas dire qu'ils peuvent faire quelque chose pour toi, si toi-même tu n'as pas fait de bonnes actions pour toi-même. Et il mentionne le verset 19 dans Sourate Al-Infitar, qui dit, le jour où une âme ne possédera rien, il ne pourra rien faire pour une autre âme. C'est le jugement dernier, au jugement dernier, une âme ou un individu ne pourra rien faire pour une autre. Et il mentionne le verset 34 à 37 dans Surat Abasa, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit, et le jour où la personne va s'enfuir de son frère, de sa mère et de son père, et de sa compagne, hein, et de ses enfants. Hein, chaque personne ce jour-là sera bien assez préoccupée par ses propres œuvres. Donc ça c'est pour dire que yani, chacun va être occupé par ses propres œuvres, par ses propres œuvres, ses propres actions, et personne ne pourra faire rien pour une autre. Donc il dit فصلاحهم لا ينفعك ما دمت ليس لك أو ما نعم ما دمت ليس لك عمل فلماذا لا تعمل أنت حتى تكون صالحا وحتى تكون صالحا وقريبا من الله أما أن تعتقد أنه يقربك إلى الله عمل غيرك فهذا من الخبال قال الله عز وجل تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون فلا ينفعك صلاحهم وقربهم من الله إذا لم تكن أنت على عمل صالح وعلى عقيدة سليمة فإنهم لا ينفعونك أبدا وأيضا عملك هذا شرك والمشرك لا تقبل فيه الشفاعة لأن الله جل وعلا يقول فما تنفعهم شفاعة الشافعين. Le Cheikh il dit, la piété des gens qui ont été pieux et qui ont fait le bien, ça ne va pas te servir à rien. Pour toi, ça ne va rien te faire en rien si toi-même tu n'as pas rien fait de bon. Alors pourquoi, yani, toi tu ne fais pas l'effort pour toi-même d'être une personne pieuse? Et pourquoi toi-même tu ne fais pas d'effort pour te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala? Donc ça c'est important de bien comprendre. Mais si par exemple tu crois que tu peux te... Yani, le fait que quelqu'un d'autre a fait des bonnes œuvres, ça peut te rapprocher toi d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors ça c'est yani, une fausse pensée, en fait c'est des rêves, c'est des illusions, c'est des mensonges. Et il dit... un verset dans Surat al-Baqarah, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, hein, à propos des nations qui ont précédé, il dit, ils ont fait ce qu'ils ont fait, et vous aurez acquis ce que vous avez fait, vous. Et vous ne serez pas questionné pour qu'est-ce que eux ont fait. Chaque personne sera questionnée pour ce qu'il a fait lui-même. Et donc, après, il dit, donc, leur bonne action et leur piété ne sera pas bénéfique pour vous. Si vous n'avez pas été vous-même pieux et si vous ne vous êtes pas vous-même rapproché à Allah subhanahu wa ta'ala. إِذَا لَمْ تَكُنْ أَمْتَ عَلَى عَمَلٍ صَالِحٍ وَعَلَى عَقِدَةٍ سَلِيمَةٍ فَإِنَّهُمْ لَا يَنْفَعُونَكَ أَبَدًا. Si toi-même tu n'étais pas sur les bonnes œuvres et la piété, alors toi, leurs bonnes actions, et si tu n'avais pas la bonne croyance, eh bien eux ne seront d'aucune utilité pour toi. Hein? Et أيضًا عَمَلُكَ هَذَا شِرْكٍ. De plus, le fait que tu les prennes comme des intermédiaires entre toi et Allah, ça devient une forme de shirk. Et Allah n'accepte pas l'intercession d'une personne qui est mushrik. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le Coran, فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ. Le verset 48, dans Surat Al-Muddathir. Il dit que l'intercession des intercesseurs ne leur sera d'aucun bienfait ou d'aucune utilité. Pourquoi? Parce qu'ils ont été dans le shirk, ils ont commis le shirk. Et il dit le mushrik, aucune intercession et aucune intercession ne sera acceptée de leur pour eux en leur faveur. Wa ibadatu ghayrillahi shirk, le fait d'adorer autre que Allah, c'est une forme de shirk. Et si tu crois que toi tu les adores li ajli an yatawassatu laka 'inda Allah fa anta mushrik, si tu crois que tu peux les adorer pour qu'ils puissent intercéder en ta faveur auprès d'Allah, alors dans ce cas tu es un mushrik. Il dit le mushrik, son intercession ne lui sera, l'intercession en sa faveur ne sera pas acceptée et ne lui sera d'aucune utilité. Alors, fais ton effort pour corriger toi-même tes actions avec Allah subhanahu wa ta'ala et ne te tourne pas vers les actions des autres. Hein? C'est comme si par exemple, toi tu vas pas travailler, t'envoies quelqu'un. Ou bien tu regardes quelqu'un d'autre qui va travailler, puis tu lui dis par la suite quand il revient du travail, donne-moi ton salaire. Hein? C'est comme un peu si tu faisais ce genre de choses-là. tu veux pas toi faire l'effort pour faire les bonnes œuvres, et là tu te bases sur quelqu'un d'autre qui a fait les efforts et qui a fait les bonnes œuvres, et tu veux lui demander à lui, demande à Allah pour moi. Ça c'est pas correct. Tu dois faire tes propres efforts, tes propres bonnes œuvres. Hein? Et donc, comme le cheikh il dit, c'est ça, que les seules choses qui vont être bénéfiques, c'est les bonnes œuvres et la bonne foi au jugement dernier, et non pas ce que les autres ont fait. On va s'arrêter ici pour maintenant, inshallah, puis après la pause, on va continuer à partir de la quatrième shubha, inshallah. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك